La cave, épisode 11, Gurren Lagann. Hey, salut Jake. Hey, salut man. Salut, bienvenue dans la cave tout le monde. Ouais. Donc, 100 plus auditeurs. Ah donc, ouais. On a dépassé le 100, c'est bien. Merci, merci tout le monde, franchement. Là. Chris, on est rendu big, man. Ouais, ouais, on s'attendait pas à ça. Puis juste avant de commencer, juste dire un petit quelque chose. Le dernier épisode, c'était sur nous. C'était en promotion de notre BD qu'on a présenté à Exposine. Merci à tout le monde qui sont venus nous voir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Des gens qu'on connaissait pas qui sont venus voir, qui écoutaient la cave. Fait que c'était très cool. On est content hein, de Hawken. Ouais, ouais. Quand on avait enregistré, t'avais pas commencé. J'avais pas commencé, puis on a fait un boost, un sprint intense. Plus toi, là. Ton poignet va bien. Ben, je te dirais que toi aussi, man. Ouais. Écoute, moi j'ai rushé pendant 5 jours, mais man, t'étais là jusqu'à la dernière seconde. Ouais. La dernière journée, tu sais, t'es venu chez nous, puis c'est toi qui as scanné et nettoyer toutes les pages en Photoshop pendant que je finissais les dernières, puis on écoutait du gros... All night long. On écoutait du gros Perturbator en même temps. Raining Steel. Et t'es parti, je pense qu'il était 8h30 du matin. Ouais, je suis parti, puis l'imprimeur était déjà ouvert. Ouais. Fait qu'on a passé une nuit blanche ensemble. T'as fait un mini-somme de genre, même pas une heure, là. Mm-hmm. Puis, c'est pas très réparateur, en fait. Non. Puis c'était fucké, man. C'était extrêmement demandant, mais en même temps, une des plus belles expériences de prod que j'ai vécues dans les dernières années. Là. Ouais. C'est... Mais c'est pas des conditions à le faire. Là. On peut travailler pour avoir une production similaire, mais s'y prendre mieux puis plus d'avance. Ouais, non, c'est sûr qu'on conseille pas à personne de faire 100 pages en 5 jours, mais. C'est ça. Mais je suis content du résultat, je suis content du livre. Moi aussi. Aussi, on se demandait, on était un peu nerveux, ou on s'était pas. On savait pas vraiment comment nos amis ou les gens allaient accueillir le livre, mais finalement, je pense que les échos qu'on a eus, c'est très bon jusqu'à maintenant. Il y a Gauthier Langevin qui est chez Fronfroid. Oui. A même versé une larme en lisant. Moi, je comprends pas pourquoi. Je pense qu'il était fatigué. Oui, il y avait peut-être d'autres facteurs c'était intense. Puis, écoute, ça, on en parlera d'un autre podcast, mais moi, j'aimerais bien qu'on en refasse des épisodes sur ça, parce que... Bon, c'est... on a comme passé tout. Ben, on a passé tout, mais je veux dire, en même temps... On a passé tout en surface un peu. On a fait la chronologie, mais on n'a pas nécessairement parlé des détails de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que le futur. Là, okay. Moi, j'aimerais ça qu'on jase un moment donné des possibles, soit dans l'univers de Hawken ou dans d'autres choses. Okay. Ou, ça pourrait être cool. Juste en jaser, sans se fixer et dire comme c'est obligé d'être ça parce qu'on enregistre ça dans le podcast. Mais les spin-offs possibles. Parce que c'est les meilleurs commentaires que j'ai reçus de tous les épisodes qu'on a fait à la date. Ouais. C'est quand on fait nos narcissistes puis on parle de nous autres. mais le pire, c'est que c'est ça. Moi, j'avais peur que ça fasse comme si on suçait notre propre queue, mais en fait, c'est plus éducatif que autre chose pour bien du monde. Je pense que c'est pertinent. Puis c'était bon, c'est comment dire, c'est un sujet exclusif que personne d'autre a exploité avant. Mais je pense même pour nous, avant puis pendant qu'on le faisait, ça... toi, il y a des trucs que tu avais oubliés puis qu'on s'est rappelé. Ouais. Puis même rapidement, on a oublié dans au moins peut-être plus qu'un, mais comme Rag, on l'avait pas mentionné. C'est vrai, puis Rag, ça a été un point pour moi tournant. Ouais. C'est en fait un 3 pages qu'on avait. Toi, tu avais une connexion chez DC, c'était, tu parles de Comic-Con? Dark Horse, ouais, c'est ça. Ouais. Que une personne t'avait vu à un Comic-Con, c'est ouais, ça? Ouais, exactement. Ok. Puis qu'on n'avait pas rien donné de suite, mais c'était comme un bon préliminaire professionnel à travailler ensemble. Ouais. Mais c'était plus que 3 pages, écoute. Ouais, t'as raison, c'était quoi? 12. Ouais, 12 puis 4 pages couleur que t'avais colorées. C'est ça, exactement. Ouais. Ben, d'ailleurs, les gens qui connaissent un peu mon travail, la fille qui se pitch dans le vide, là, puis il est marqué Oui. It's morning dans le Oui. bas, ben, c'était la dernière page de ce pitch-là. Oui. Une image qui a quand même bien fonctionné pour moi. Je l'ai imprimée puis j'en ai vendu un paquet. Fait que... Oui, ça fait quand même quelques années avant que tu avais préparé tes affiches, puis Ouais. ça a bien vieilli, là, il n'y a pas. Ouais. Puis c'est dur à croire, mais ce dessin-là a été fait au Pentel sans sketch sur un 8,5-11. Puis je l'ai imprimé plus gros Pour le que. nettoyer. Non. Même pas. Même Pas pas. de retouche. Pas de retouche. OK. Juste le jaune opaque Ouais, exact. du J'ai rajouté la journal, là. couleur dans Photoshop. Ouais, OK. C'est la seule affaire. Puis, fait que j'ai encore l'original quelque part dans un tiroir. Là. Je sais pas où. Là. Là, j'ai aucune idée où, mais dans un tiroir, il y a l'original de ça. Te rappelles-tu le It's Morning? En fait, c'était la fin, quand on introduisait le personnage à la fin du pitch. C'était, je crois, 4 pages. Puis elle avait ses écouteurs, donc le It's Morning, ça vient des paroles d'une chanson. Est-ce que tu te rappelles c'était quoi? J'ai aucune idée c'était quoi. C'était une tune de Bright Eyes. Ah, pour vrai, Ouais, oui, ouais. c'est vrai, c'est Ouais, vrai. Puis elle avait une patch dans le dos, c'était pas Godspeed, genre. ouais. C'est Godspeed, la Ouais. patch qu'elle a dans le dos. Ouais. Ouais. C'est fou quand même que la mode a changé, man, parce que je me rappelle que quand j'avais designé le personnage, c'était très en lien avec comment que les ados s'habillaient. OK. Ben, ça passe encore aujourd'hui, ton design? Tu Je trouves pas? sais pas, j'ai rarement vu des filles s'habiller de même encore OK, des aujourd'hui. filles patchées dans la rue? Ouais, Ouais, là, je voulais Oui. même pas faire une blague, là. Je suis Ben oui, sérieux. ben oui, man. Je suis vite. Oui, t'es plus vite que Je suis moi, plus vite que toi. mais fait que ouais. OK. Fait Fait que, que. ouais, merci. Puis, un peu plus tard, après exposé, ben, premièrement, on a tout vendu, tout écouté, nos 50 copies qu'on avait. Ça, c'était Ouais. déjà un exploit en soi. On En deux s'attendait jours. vraiment pas à ça. Alors, merci. Ouais. Puis, par la suite, on a pu faire une petite réimpression. Puis, on est allé à Québec dans un lancement collectif, d'ailleurs. Salut, Michel. Ah, salut Michel, man. Et Bisous, donc, man. ouais. Et on a rencontré d'autres gens et d'autres fans de la cave, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis c'est intéressant, là, il venait, puis ah, puis tu sais, quand on dit salut Michel, ben c'est lui, il est là. Puis Ouais. il faisait comme ah, ok, salut. Puis il continuait Hein? ça. Puis c'est fucké parce que j'ai même été, comment tu dis ça, cité. J'ai été cité Ouais, sur ouais. le campus Impact Impact Campus. Campus, ouais. Parce que j'ai dit, Chris, dans le fond, parce que on s'entend que au Comic Con et à l'Exposine, il y a quelques personnes qui sont venues nous voir qui écoutaient la cave. Oui, qu'on Ça trouvait connaissait ça pas. cool. Qu'on Mais connaissait pas. le chiffre est incomparable au monde de Québec. Il y avait foule de monde à Québec. Puis là, on capotait, on était comme, voyons Y donc, en avait toi, plus. Chris. C'est ça. Puis il y en avait bien plus. Puis du monde crissement cool, crissement intéressant, dont un fan que malheureusement, Chris, je me rappelle pas de son nom. Je pense que c'est André Philippe. Tu parles de Non, ça, l'Impact c'est Campus? l'Impact OK, Campus. OK. Non, lui qui avait hâte qu'on parle de le sujet de ce podcast-ci, Ah qui oui? est, OK. ouais, qu'on n'a pas dit encore de quoi qu'on avait parlé, mais Bon. tu te rappelles, il y a quelqu'un qui était comme, ah, vous devriez parler de ça, puis j'étais Ouais, comme, ben, ouais, Chris, c'est justement ça qu'on voulait faire, puis il était comme, ah, ouais. j'ai hâte de vous entendre là-dessus, tu sais. OK. Fait que salut, toi, fan, OK. écoute, c'était cool. C'est pour ça que tu devrais toujours prendre en photo tes dédicaces. Parce que tu aurais le Ouais. nom des personnes, tu aurais des dédicaces. Ben oui, ben oui. Hein? En tout Puis ouais. cas. Puis même, tu sais, comme Benoît Mercier, il fait ça, tu sais, il note sur un papier, puis il dit plus tard dans l'émission, Ben genre. oui, absolument. Fait que, tu sais, je trouve ça cool de faire ça. Oui. Le monde, ils prennent le temps de venir nous voir, de nous dire salut, ben c'est la moindre des choses de leur redire salut, mais Ouais. sur le podcast, tu sais. Bon, salut tout le monde. Ouais. Fait que c'était malade à Québec et tout. Ouais, très, très belle soirée pour tout le monde, très chouette. Puis ça va être annoncé sur notre Facebook, mais il va y avoir une dernière petite séance de dédicace collective le 21 décembre chez Planète BD. Fait que regardez notre page, puis ça va être annoncé sous peu. Ouais. Et la journée d'avant, le 20, il va y avoir quelque chose de peu plus extraordinaire. Moi, Ben je suis un peu nerveux, sérieux. oui. Pour moi, pas pantoute. Ouais, ben toi, t'es habitué, là. Ouais. C'est en fait l'émission spéciale de Noël de nos amis Les Mystérieux Étonnants. Ouais. Alors, retransmission vidéo en direct. Et puis, on s'est fait inviter, que ce soit une En bonne tant chose que ou la non. cave. Ouais, la cave est invitée à faire une chronique. Fait que regardez ça, mystérieuxétonnants.com, le 20 décembre prochain, dès 20 h. Sans dire de quoi qu'on va parler, tu veux-tu donner un indice? Un indice, oui. On a déjà mentionné ça dans un épisode précédent. Puis on a dit qu'on allait pas faire d'épisode là-dessus. Ouais. Fait que là, c'est un peu spécial qu'on va faire ça. On a déjà dit qu'on parlerait jamais de ça dans un podcast. Fait que c'est ça. On va le faire sur caméra à la place. C'est ça. OK. Hey, crise de cool, l'indice. Ouais. Fait que cette semaine, Doom, de quoi, de quoi qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit? Épisode 11, on fait ça sur une série que... Toi, tu penses qu'il t'aime beaucoup. Oui. Beaucoup aimé. Oui. Moi, je l'ai juste écouté une fois. C'est Gurren Lagann. Mm-hmm. C'est italien d'animation japonaise de 2007. Fait, le titre complet, c'est Tengen Toppa Gurren Lagann. Ouais. Raw. Ouais. Fait que là, on est dans le gros mecha jubilatoire avec des plans de caméra fous. Ouais. Il y a une... Tu sais, les animés de robots, oui. Il y a plusieurs sous-catégories. Mm-hmm. Le mecha, souvent, c'est associé à quelque chose de plus réaliste, à la Pat Labor ou à la... Okay. Quand on parle plus de Goldorak et de toutes ses dérivés, mm-hmm. Mazinger, etc., je pense que Gurren Lagann fit plus dans cette catégorie-là. Ok, ça on va faire parler, un terme. Ouais, on va parler de Super Giant Robots. Ok. Évidemment, je ne sais pas c'est quoi en japonais, mais c'est le terme, c'est comme le sous-genre. Ouais. C'est comme des super-héros robots géants. Ok. Il n'y a pas vraiment de désir de rendre ça réaliste mm-hmm. ou crédible. Le but, c'est juste qu'ils sont gros, puis ils pètent des affaires, puis ils volent, puis ils ont des pouvoirs. Ils bougent, parce qu'on s'entend que les robots dans Gurren Lagann ont des pouvoirs. T'sais. C'est même pas... C'est plus que des machines. Ils peuvent se transformer, ils peuvent se... T'sais. Oui. Fait que c'est une série produite... Tu l'as-tu dit? C'est produit par Gainax, le studio d'animation? Oui, je l'avais pas dit. En fait, j'ai juste dit rapidement, c'était en 2007, production. Oui. Mais c'est ça, c'est la première fois qu'on couvre une série de... Donc, c'est une saison, 26 épisodes, le format standard d'une série là-bas. Ouais. Fait qu'on va voir comment ça va aller. Mais c'est ça, toi, je pense que tu la connais plus, fait que je vais peut-être te laisser présenter le système 16 de base. Ben, moi, ce qui est hot, c'est qu'en 2007, j'habitais à Lévis. Mm-hmm. J'étais travailleur autonome. Et ça, j'en ai déjà parlé un peu, mais moi, pour moi, les forums de dessin en ligne, ça a été... Ça a eu un gros impact sur ma carrière. C'est là que je me suis fait pas mal connaître. C'est là qu'on a eu le contact justement avec Popgun, Image Comics. C'est là que je me suis fait un paquet d'amis et de connaissances mm-hmm. que je connais encore aujourd'hui. Ouais. Mais même si on recule un petit peu, quand tu étais à Montréal d'abord, tu travaillais pour une compagnie de jeux. Là-dedans, est-ce que à ce temps-là, est-ce que tu naviguais sur les forums aussi? C'est là que j'ai commencé, puis j'allais sur un forum vraiment poche qui s'appelait Pencil Jack. Après ça, j'ai découvert un autre forum, my God, comment ça s'appelait? Ah ben, je pense que c'est Concept Art, conceptart.org. Puis là, il y avait le légendaire Craig Mullins qui était là-dessus. Craig Mullins, il est responsable, il est responsable pour tous les designs de Halo. Ah oui. C'est comme un des pionniers de la peinture digitale. C'est avant ça, c'est avant que Photoshop devienne mainstream, là, il faisait les designs de Marathon par Bungie. Okay. Marathon qui est comme un peu l'ancêtre de Halo, qui était exclusivement sur Mac et que personne pouvait me battre, man, même pas GST. Man, tu me donnais deux handguns puis un bazooka, man, puis j'étais indestructible, man. Mais l'on, c'était à la première personne. Marathon, excuse. Oui. OK. Oh, oui. Les deux, il y a beaucoup de similarités. Okay. Bref, Craig Mullins était là-dessus. Fait que là, tout d'un coup, c'était plus les amateurs, c'était les légendes professionnelles et les amateurs. Mm-hmm. Puis tout le monde échangeait des trucs, des conseils. Okay. Fait que là, tu sais, c'est hot, tu poses de quoi, puis il y a un esti d'artiste malade que t'admires qui est en train de commenter sur ton truc, puis fait que tu devrais faire ça, mais ça c'est cool. T'sais. Okay. Mais est-ce que lui, il mettait de ses trucs personnels? Oui, tout le temps. Lui, comment que ça fonctionnait les forums à cette époque-là, c'est que t'avais des catégories, fait que mettons sketch, illustration finale, work in progress, et mettons daily sketch, puis là tu sais comme... Et à travers ça, tu te créais un thread à toi, puis tu postais là-dessus à tous les jours, puis les gens commentaient. C'est sur Concept Art? Ouais. Ça existe encore? Je pense que oui. Concept Art, aujourd'hui, se sont mixés avec une gang d'artistes qui s'appelle Massive Black. OK. Puis eux, ils ont fait beaucoup de... Eux autres, ils font des workshops à travers le monde, man. Ça coûte 2000$, c'est-tu. Oh. Puis t'as une fin de semaine complète avec des maîtres qui t'expliquent tout en détail comment faire. Ouais. L'autre légendaire, Andrew Jones, mm-hmm. qui est Android... Que lui est responsable pour les designs de Metroid Prime. Ça, c'était sur... Sur la Wii. Ah, oui. Attends, qu'est-ce que je dis là sur la Wii? C'était à l'origine sur la GameCube, t'as raison. Mais c'est parce que j'ai downloadé le box set pour la okay. Wii, puis c'est malade. C'est okay. malade. Avec la manette, là, c'est un first-person shooter avec sur la Wii, ça okay. marche tellement bien. Là. C'est intuitif, t'as même pas besoin de... Tu sais, je trouve que ça va mieux qu'avec clavier souris, même. Mais bref, là, je digresse ben raide. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'allais dans plusieurs forums différents pour poster des dessins mm-hmm. à tous les jours. Puis, évidemment, à travers ça, tu n'avais pas juste des dessins, tu avais comme, mm-hmm. mettons, une section genre inspiration pour du monde qui ont besoin de découvrir des affaires, des artistes, non, non, non. Ouais. Tu avais une section genre film, genre juste de films qui s'en viennent. Mm-hmm. Et il y avait une section sur le forum, ça existe encore, qui s'appelle Katsuka, okay, et qui est un très bon site pour... C'est un site français qui couvre l'animation, mais en général, pas juste l'animation japonaise. Mm-hmm. Puis sont très bons pour trouver des trucs assez rares. Ils suivent beaucoup de près l'école Gobelin, puis tous les animateurs qui sortent de cette école-là. Une des affaires qui sont... qui m'ont fait découvrir, c'est l'artiste Jérémy Perrin, qui est un animateur, c'est un génie. Puis c'est lui qui a fait, je sais pas si je te l'ai déjà montré, le clip de D-Y-E, qui s'appelle Fantasy. C'est comme, tu sais, c'est des ados qui vont dans une piscine publique. Oui. Puis que okay. finalement, ça devient comme Lovecraft un peu. Mm-hmm. C'est lui qui a fait ça, qui a réalisé ça. Puis il a fait aussi Trucker's Delight, l'espèce de cochon trucker en pixel art. Là. Oui. OK. Deux styles très différents. Ouais, fait qu'allez checker ça si l'animation vous intéresse, katsuka.com. Mm-hmm. Et là-dessus, il y avait un sujet animation. Et tout le monde disait, faut que vous écoutez Gurren Lagann, c'est l'affaire la plus hot que Gainax a faite depuis Evangelion. Mais ça, tu dis, t'étais en 2007? Ouais. OK, fait que c'était drôle quand ça sortait. Exactement. Fans, moi, j'attendais à chaque semaine les épisodes. Ouais. Ouais. Fait que il était traduit, sous-titré, puis on les avait direct. T'écoutais ça en genre Real Player à 30 meg. Exactement, ouais, en streaming cheap. Puis il y avait des épisodes des fois que ça marchait pas, puis t'étais comme fuck. Parce qu'il n'y a pas question de skipper un épisode, là. C'est mm-hmm. pas. Comment on appelle ça? Des histoires self-contained, là. C'est pas ça du tout. Là. C'est pas. Tu peux pas écouter un épisode au hasard puis comprendre l'histoire. T'sais, c'est vraiment. Il y a une suite. Quelques-uns au début. Que c'est ouais, plus... peut-être au début, mais c'était quand même une grosse histoire divisée mm-hmm. en 26 chapitres. Mm-hmm. Fait que j'écoutais ça pendant que ça sortait au Japon. Okay, wow. Ouais. Puis c'est niaiseux, mais ça change tellement dans ton expérience d'écoute, genre. Mm-hmm. Savoir que t'as un épisode par semaine et juste avoir la grosse batch puis t'es tapé un peu n'importe quand, tu sais. Ouais. Ça crée. Une routine. Ouais, puis une routine, mais pas juste ça, tu sais, c'est que, justement, on allait sur le forum, puis on en parlait, puis là, quand il se passait quelque chose de dramatique, tu sais. C'est ça, puis ensuite, tu l'attendais, c'est pas comme avoir 28 coffrets, puis dire, j'ai tout ça, puis il y a moins de... Exact. Il y a moins d'engouement. Tu peux te taper ça un moment donné dans ta vie, mais mm-hmm. tu sais, là, c'est comme tu l'attends, puis t'as hâte au samedi, puis tu sais qu'il va sortir, genre, samedi à une heure, à telle place, sur tel site, c'est le premier qui l'a, tu sais. Ça m'a un peu fait ça cette année aussi avec True Detective. OK. Je l'écoutais comme à chaque semaine, puis on anticipait vraiment le prochain épisode. Mm-hmm. Fait que moi, c'est ça. Je te dirais que ça c'est arrivé une place dans ma vie où c'est que j'en avais besoin. Ça faisait longtemps que j'étais un peu déconnecté de l'animation japonaise. Okay. Il n'y a plus grand-chose qui m'intéressait. Ouais. Puis c'est arrivé comme bon temps. Pas une claque d'en face. Ouais. Puis c'était tellement différent des affaires que j'écoutais. T'sais, avant, j'écoutais beaucoup plus du... des trucs un peu plus sérieux, un peu plus adultes. OK. Puis là, ça c'est... En série aussi? Ouais, okay. Tu sais, je pense que le dernier truc que j'avais écouté avant, c'était Witch Hunter Robin. OK, mais c'est encore un peu général, ça, non? Ah, non, c'est quand même... Okay. Ben, c'est pas 18 ans et plus, mais c'est quand même sérieux, dark. Okay. C'est pas kid. Ouais. Là, il y a du fun là-dedans. Là, ouais. c'est... Je pense que le mot qu'on veut, c'est rafraîchissant. Ouais. Puis ça se prend pas au sérieux, puis ça va vite. Puis c'est comme... Ça avance, c'est très dynamique, c'est très... C'est pas lourd du tout. Là, puis t'as vraiment l'impression que les créateurs de ça se sont fait du fun. Oui. Ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas de barrière, vraiment. Là. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. Pas. D'ailleurs, un des réalisateurs responsables de tout ça, c'est... Imaishi? Oui, Hiroyuki Imaishi. Hiroyuki. Qui a un bon CV quand même. Il était key animator sur Eva. Oui. Puis il a fait un long métrage, je pense, c'est en bas de 60 minutes, je pense, Dead Leaves. Oui. Que ça aussi, c'était assez frénétique dans son approche. Fait que... tout nu. Ouais, puis si ça intéresse des gens vraiment comme qui trippent plus sur l'animation de manière pointue, il y a une série d'analyses sur YouTube qui est possible, qui analyse les animateurs de Gainax. Ah oui. Il analyse les ceux qui ont comme changé un peu ou qui se démarquent un peu de la masse. Ouais, fait que il y en a beaucoup chez Gainax. Mm-hmm. Justement, Hiroyuki Imaishi, oui. C'en est un. Mm-hmm. L'autre aussi qui est très important dans Gurren Lagann, c'est Yo Yoshinari. Puis c'est lui qui est responsable vraiment de plus... Hey boy, comment je pourrais dire ça? Il a travaillé sur Eva aussi. Oui. C'est lui qui a animé la fameuse séquence... Le début de Evangelion quand t'as Asuka contre les trois... Exactement, okay. Exactement. Ouais. Puis ça, c'est mémorable, là. Cette scène-là est incroyable. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. Okay. Fait que ces deux gars-là ont été comme les artistes principaux sur Gurren Lagann. Puis oui. Après Gurren Lagann, se sont startés leur propre studio avec un paquet d'autres mondes oui. Qui s'appelle Studio Trigger. Ouais, puis ils font Kill la Kill. Exactement, c'est leur dernière production. Ok. Ouais. J'ai l'impression juste de sortir de l'information. J'ai pas l'impression sur une discussion. Moi, faut que je fasse des jokes de dick et tout, man. Mais c'est ça, moi j'ai connu ça plus tard. Ben, je pense quand on était au Comic Con, c'est là que tu t'es acheté le coffret. Ouais, okay. Ouais, c'est ça. Fait que tu me l'as passé il y a quelques mois. C'est ça, je me rappelle que je te l'ai passé. Ça m'a pris du temps à commencer. C'est ça, je te l'ai passé, puis tu l'as gardé pendant une couple de mois, puis je te l'ai repris parce que je voulais me le retaper. Mm-hmm. Je me le tape à peu près aux années et demie, ouais. C'est à ce point-là. Là. Ouais. C'est le genre de truc que tu peux mettre en travail aussi. Exactement, ouais. Tu sais, c'est le genre de truc que tu mets un peu en background, puis tu le sais juste au son, t'es rendu où, puis ouais. Tu le sais quelle scène tu veux regarder, parce mm-hmm. qu'il y a tellement de détails puis de subtilités dans l'animation que... Il y a vraiment des séquences que tu peux regarder 10 fois, puis à chaque fois, tu remarques quelque chose de différent. Oui. Puis, pas juste ça aussi, l'énergie que ça donne. Il y a une énergie là-dedans qui est se battre avec la force du désespoir. Je me rappelle, j'étais en train de réaliser le clip de Ben Nodaska. Oui. Puis, pendant que j'écoutais Gurren Lagann, pendant que ça sortait là, à chaque semaine, puis j'étais rendu dans les derniers épisodes. Avec la ferme des cochons? Ouais, exactement. Okay. Puis, mon projet After Effects a planté. Et j'ai perdu comme quelque chose comme 3 jours de job. Puis, il fallait que je le remette dans une semaine. Ouais. Puis j'ai mis la toune Raw, Fight the Power. J'étais comme, OK, man, fuck it, t'es capable, sti. Au pire, on dort pas. Puis, hey, man, sérieusement, là, je me couchais à 9h du matin, je me levais à midi. Ouais. Je dormais 3h pendant 2 semaines. C'était malade. Puis, tombé malade. Ouais, je suis tombé malade après, mais ça donne quand même de l'énergie, tu sais. Okay. La force du désespoir, man. Ouais. C'est ça le terme, là, je pense. Ça résume bien. Là. Ouais. Je pense que le thème qui est donné souvent dans les séries, c'est de croire en soi. Mm-hmm. Puis dès les premiers épisodes, t'as deux personnages qui disent Je crois en toi qui crois en le toi qui croit en toi, en tout cas. Non, c'est qu'il dit t'es pas obligé de croire en toi. T'as juste à croire en moi qui crois en toi. OK. Puis ça, c'est niaiseux, ça a l'air ridicule d'une même, mais ouais. Un de mes amis avait déjà dit comme conseil à quelqu'un qui était comme cri, je suis pas capable de sortir d'un bar puis de parler aux filles. C'est pas moi qui avait dit ça. Non, c'est pas toi. Ok. Puis t'es comme, j'ai pas de confiance, nanana. Puis mon ami avait dit, ouais, mais tu sais, de la confiance, hein, tu peux faire un semblant de l'avoir, puis ça revient au même. Ok, fait ouais, que c'est des pas fois, ça que tu m'aurais dit. Non, mais le pire, c'est que ça a l'air ridicule, mais quand tu y penses, c'est ça pareil. Ouais. Du courage, hein, tu peux faire un semblant de l'avoir, puis ça revient au même. T'sais? Puis après ça, tu t'en donnes pour de vrai. Exactement, ouais. Exactement. T'sais? Fait que t'as juste à faire un semblant. Neil Gaiman aussi, il dit, quand je suis confronté à un problème, j'essaie juste de m'imaginer que je suis quelqu'un qui serait capable de résoudre le problème. Puis j'imite ce que lui ferait. Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait que tu résous le problème pareil. Ben, ça fait que t'es dans l'action. Exactement. Ouais, ça, ouais. C'est ça. Fait que je pense que c'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui dit t'es pas obligé de croire en toi. Mm-hmm. Fais juste croire en moi qui crois en toi. Mm-hmm. Visualiser qu'il va réussir. Ouais. Qu'il va le faire. Ouais. Fait que on peut peut-être expliquer rapidement c'est quoi le background. Ouais, absolument. De l'univers, en fait. Je sais pas si tu veux y aller ou... Ouais, je t'ai parlé beaucoup, je vais essayer, puis tu me corrigeras. Mais dans le fond, c'est le personnage principal de Simon, qui est avec toute une autre grosse population qui vit sous terre, parce que sur la terre, c'est régné par ce qu'ils appellent des Beastmen. Mmh. Comme des hommes-animaux. Ouais, des espèces d'hommes-animaux qui pilotent des gros Super Giant Robots. Mmh. Puis, avec Simon, t'as un autre personnage plus vieux qui s'appelle Kamina, que lui, c'est la testostérone pure qui le drive, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait que lui, il veut vraiment aller vers le ciel, sortir de sa grotte, de sa caverne. Puis finalement, ils réussissent. Je pense qu'ils se font attaquer à l'intérieur. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'ensuite, ils prennent possession du robot ennemi. Puis ensuite, ça. Là, ils... C'est carrément genre des esclaves qui s'enfuient de leur prison. C'est vraiment ça. Là, ouais. Fait que ça, c'est comme le setting, puis ça crée une rébellion des humains face aux beastmen, aux hommes animaux. Puis c'est ça, c'est que Simone, il y a comme une espèce de petite drill qui est aussi un symbole visuel dans la série qui revient tout le temps. Ouais. La drill. Mm-hmm. La spirale. La spirale. Puis il y a ça dans le cou. Puis ça, bizarrement, c'est comme une clé qui contrôle un robot. Fait que, tout de suite, ça lui donne comme un avantage un peu sur tout le reste des esclaves. Oui. Puis Kamina, qui est comme tellement craqué, puis tellement dedans, puis il gueule, puis on est capable! que lui aussi, ça lui donne un esti d'avantage sur les autres. Fait que les deux ensemble forment comme le team parfait. Là, c'est t'sais. Ça. Parce que le premier robot qui vont s'approprier, c'est Kamina, il prend le. En fait, comme tout le robot, le gros robot. Ouais. Puis ensuite, Simon découvre un mini-robot qui est en fait une espèce de tête avec des petites pattes et des petits bras. Mm-hmm. Puis par la suite, ils vont se combiner littéralement, ils vont défoncer une partie de robot pour faire le Gurren Lagann, c'est ça? Mm-hmm. Exactement. C'est ça. Fait qu'ils vont piloter à deux cette chose-là. C'est ça. Ça aussi, c'est quoi qui va rester tout le long de la série, tu sais? Ouais. Il y a beaucoup de... C'est comme des Legos quasiment, parce qu'il va s'emboîter l'un dans l'autre, puis après ça, il va prendre possession d'un autre robot ennemi encore plus gros, puis vu que t'as une partie de lui, ben il prend sa couleur, puis il se transforme. Puis... Ouais. C'est ça, il y a une science qui fait aucune logique, mais c'est pas on s'en fout, parce que l'histoire raide tellement que t'as même pas le temps d'y penser. Ouais. Fait comme, comment que ça marche? Oh, fuck off, on s'en crée son... Mais juste pour dire comme, comment que ça... C'est... Je sais pas c'est quoi l'équivalent de dire « over the top ». En français. Ouais, c'est sûr. C'est sur le top, hein? Je parle de sur le top. Mais, tu sais, juste pour dire, genre, vers la fin de la série, il y a un robot géant. Il y a Simone qui est dans un robot géant qui conduit un robot géant qui est dans un robot géant qui est dans un vaisseau à l'intérieur d'un autre robot géant qui conduit un autre robot géant. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça a comme plus de sens. C'est les poupées russes. C'est ça, c'est les poupées russes. Mm. Puis, bizarrement, c'est awesome. Tu sais, tu ferais comme. Ouais. Tu pourrais trouver ça genre lettre, mais c'est que le ton de la série se prend tellement pas au sérieux, puis le focus, il est tellement à la bonne place que ça devient excitant au lieu de, tu sais, jamais tu trouves les gens en envers faire comme, ouais, on, ça se peut pas, c'est pas ça le but, tu sais. de la manière que c'est présenté, comment que ça commence avec les premiers combats, tu vois, OK, il n'y a pas de barrière autant pour eux que pour nous, fait qu'on peut s'en permettre. Ouais. Puis on. C'est over the top. Là. C'est le fun en maudit. Là. C'est le fun en maudit. Across the room, the big oak is out cold. Let's get out of here. It's no use, Albert. We'd never escape her, whatever she is. Mary, you made me wanna eat you. Every time I see you, it's like the first time I meet you. Fragrance like a flower, subtle and sweet too. Seductive and whatever, it might as well be see-through. Awesome. Like my genie in a bottle. Bitch can get me rich, look like a magazine model. Before you know it, he have her on the stroll. Fresh and ripe, complexion like Acapulco gold. If I had to guess just right, not a day old. Like a cradle robber, copter off shop, a trailer load. Know the right number, you could get her. And hit it while you with her, sold to the highest bidder. Like fruits and berries, bring daddy loot in a hurry. Just be cute and don't worry. Type to make a nigga hallucinate and admit it. Then she started losing weight, letting everybody hit it. What? Unlike Allie, sometimes she get bitter. Always kept me happy, never had a problem with her. She used to let me use her back when I was looser. Respect her to this day and never did abuse her. I told her I'd be faithful, but she don't believe me. I probably could have been if I never met Evie. She make me feel all fuzzy inside, it's loco. You won't get nowheres nearer if you're broke though. Yo. Kept a shorty mad, finding much dinner. If caught, I get mad time just for touching her. Knock wood, so much for hymens. So fly, she should be in the sky with diamonds. Little young thing, she liked to do the tongue thing. At times, she would play hard to get, fronting or something. She made me feel like the number one king. Run into her now, and we'll still catch a fun fling. Met her out in Central Park, that's one sign. Had the guard mentally spark, reflected sunshine. She said, you need to stop messing with that white girl. She fucking with your head and got your heart in a tight curl. We messed around once or twice, but she don't know me. She helped me get money at the Dunce Price OT. Plus she from Colombia, so she really Spanish. Cooking on her, make a cat bank account vanish. And Miss Hazy, older woman, mature black. Every time she sees me, I end up getting towed back. What? All she want me to do is blaze it crazy. The only one complaint is that she made me too lazy. Sugar mommy laced me with the butter navy avy. Just her way to make up for the headaches that she gave me. It's all gravy when I'm done getting my Mac on. Allie is always there to help me get back on. Did you hear and artistry are priceless. Metal Face 2. He's on his way to work with the Disruptor. Hey, I call that a very successful mission. Great. Then you buy the lunch. I'll show the world, and more particularly those dim-witted, no-talent studio execs, that I'm the greatest sound man of all time, and I'm starting right now. C'est sûr, au début, je pense qu'ils vont comme former leur party un peu. Il y a Yoko, le personnage féminin qui est quasiment en bikini, qui prend son gros gun. T'as une espèce de mécanicien qui connaît un peu comme la science du robot, Liron. Ouais. Puis un peu plus tard, Rossiu, qui vont aller chercher puis d'autres personnages. Puis après ça, ils vont partir plus vers un but concret. Puis je veux dire, il y a une affaire qui m'a vraiment marqué fort dans cette série-là. Puis sérieux, si vous l'avez pas vu, genre arrêtez donc le podcast puis écoutez-le une autre fois parce qu'on va spoiler de shit out of it. Parce que sinon, sinon c'est comme plate à en parler juste en surface. Hein. Mais il y a plusieurs choses qui se passent à travers la série que moi m'ont énormément surpris. Puis je sais pas si toi t'as vu ça venir. Mais tu sais, comme je pense que la première affaire qu'on a qui est vraiment comme un gros punch, c'est la mort d'un des personnages principaux, d'un des deux qu'on a nommé qui est Kamina. Oui. Puis il meurt, je pense, dans l'épisode 6 ou 7, tu sais. Oui, assez tôt quand même. Assez tôt. Puis ça change le ton complètement, genre. Mm-hmm. C'est qu'au début, c'est comme du gros fun. Puis tu penses que c'est lui qui va rider jusqu'à la fin. Là. C'est ça. Tu penses que c'est lui le héros, tu sais. Puis que Simon, ça va être comme son sidekick. Oui. Tu te rends compte que non, puis honnêtement, genre, une des premières affaires que je me suis dit, genre, en écoutant ça, c'est comme, si j'avais des kids, je leur ferais écouter ça. Parce que je trouve que c'est beau de voir que la mort existe, mais que la vie continue. Leur guerre continue. Fait que ouais. Oui, il y a une partie de deuil, puis il y a quelque chose qui ne reviendra jamais. C'est perdu à jamais. Mm-hmm. Kamina n'existe plus. Mm-hmm. Mais je trouve ça beau comment que les personnages comme, décident d'aller de l'avant. T'sais. Puis je trouve que... Sans dire, genre, moi, je veux que mes enfants voient la mort à tous les jours. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je trouve que c'est une belle manière de présenter ça parce que ouais. Ça te montre le côté tragique, mais ça te montre. Ça te montre que ça peut arriver et qu'on peut continuer. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis ça te montre que oui, c'est la vie est si fragile, car la vie est si fragile. Mm-hmm. Hein? Fait que ça, l'as-tu vu venir, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis, comme je te dis, moi, je pensais que c'était lui qui allait terminer à la fin de la série. Mm. Puis, tu pensais-tu qu'il allait revenir, genre, t'es comme deux épisodes après, genre? Tu pensais-tu qu'il était mort? Ben, après le deuxième épisode, après, c'était comme Claire qui était, qui était mort. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est ça, tu fais pas ça si tôt dans une série, là. C'est on brise les règles, on brise les conventions, on te surprend. Ouais. Mais ça fonctionne dans le gros casse-tête qu'ils ont mis, là. Même si, là... Même si c'est pas concentré uniquement là-dessus, là, je pense que le design, l'approche, le visuel prime plus que, mettons, le scénario. Là, je sais pas mm-hmm. si tu lirais ça en roman pour pas illustrer. Non, c'est ça, ça serait pas pareil. C'est ça, mais je pense qu'avant sa mort, quand il regroupe les membres de leur groupe, c'est ça, c'est un ennemi après l'autre, puis c'est l'ennemi de la semaine. Puis ouais. c'est, les quelques épisodes sont plus ou moins interchangeables, puis ensuite, ils vont aller vers leur but. C'est ça qui est cool, c'est que ça te fait comme à croire que, OK, ça va être ça, la série, tu sais. Oui. Puis c'est correct, tu sais, tu fais comme, bah ouais, ça va être le fun. Mm-hmm. C'est une petite série légère qu'à chaque semaine, on bat un monstre, puis on ouais. continue, tu sais. C'est ça, épisode 5 ou 6, tu sais, c'est assez tôt, puis là, tu fais comme, attends, là, oh shit, OK, fait que là... Tu comprends que ce monde-là est réel avec ses propres valeurs, là, mm-hmm. mais ça l'évolue. T'sais. C'est pas stagnant, pas en tout, c'est pas stable, pis c'est pas genre ça va tout le temps revenir au même. Au contraire, tu fais comme oh shit, ok. Mm-hmm. Les personnages vont évoluer, vont changer. T'sais. Fait que c'est ça que je trouve cool du contraste de toute la légèreté pis l'énergie qu'il y a là-dedans qui est très enfantine mm-hmm. versus tous les concepts qui sont. Quand même plus profond. Je suis pas en train de dire que la série est super deep et qu'elle dégage des grosses réflexions ouais. intenses, mais il y a quand même une profondeur qui. Ça fait pas juste rester à la surface, tu sais. Parce que dès le début, c'est pas vraiment dit, OK, il y a un méchant quelque part qui nous a empêchés de vivre à la surface, on bat les Beastmen comme ça. Ouais. Puis après la mort de Kamina, je pense que c'est un peu plus clair qu'ils doivent aller vers le Spiral King. Ouais. Fait que ça devient clairement l'antagoniste. Mm. Je pense que on le voit pas avant un peu plus tard, avant la confrontation. Ouais, on le voit juste comme un peu dans la pénombre quand il parle à ses quatre, quatre sous les généraux dans le fond, qui vont le protéger. Ouais. Fait que là, un peu à la manière d'un jeu vidéo, ben là, faut battre les quatre généraux pour accéder au top boss. Ouais. Puis, il y a aussi un autre personnage qui nous est présenté qui est vraiment cool, qui est Viral. Oui. Qui est l'espèce d'homme-chat. Parce que quand on dit des hommes-animaux, c'est pas des Fury. C'est pas des Furry. Ils ont des dents pointues ou... Ou c'est mixé avec n'importe quoi. Ouais. Ça peut être mixé avec une tortue, avec une femme scorpion. Sauf que ce qui est bizarre, c'est que là, tu te rends compte que le Spiral King, c'est pas un homme-animal. Fait que là, tu fais « what the fuck ». Lui, mm-hmm. ça a l'air d'être un humain, mais en même temps, comme s'il était possédé par une espèce de magie bizarre. Mm-hmm. « The Spiral King ». Fait que là, t'es comme « je vois le pattern de la spirale, ok, c'est pas de quoi, là, tu sais. Mm-hmm. » Là, il y a l'histoire de sa fille. Sa fille, c'est le personnage qui me gosse le plus au monde. Puis pour vrai, une chance que la série est bonne, parce que Chris qui m'énervait, man. Plus que la petite souris de Simon, là. Ouais, vraiment. Tu sais, la petite. C'est un genre de hamster, là. Ouais. Je sais pas trop, là. Tu sais, il y a beaucoup d'humour dans la série. Il y a beaucoup de slapstick. Il y a beaucoup de. Bon. Elle, là, man. Là. Ah, c'est si que j'ai de la misère avec. Mm. Calice. Puis c'est pas tant son design, man. C'est de un, sa voix. Ouais. Elle a une voix de petite fille qui a à peu près 6 mois. Tu sais, c'est même pas genre... tu sais, c'est une petite fille gossante. Puis mécanique, quasiment. Ouais. Plus capable, là, ouais. Après deux phrases, fait comme arc. Parce que pour mettre en contexte, Simon la découvre dans une boîte, dans une espèce de cratère, je sais pas trop. Ouais, quasiment comme un cercueil. Ouais, puis ça, il y en a plein. Puis là, il interagit avec une des boîtes, il touche à ça. Mm. Ou c'était-tu avec sa drill? Son petit non, pendentif? Je pense, non, c'est ça. Pas. Puis là, il trouve une fille dans la boîte. Puis là, elle dit, ah, c'est quoi un humain? Ta-ta-ta-ta-ta. Fait que, elle a vraiment toutes les qualificatifs d'une poupée. Ouais. Puis après ça, on apprend que c'est une des filles du Spiral King, mais que lui, il les jette à pelleter. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment la poupée. Ouais. Puis sa personnalité est dégueu. C'est comme une nounouche qui comprend rien, mais qui est comme... Mais pourquoi on fait pas la tête? Mm-hmm. Et que, ah, c'est-tu comme gossé? Puis en plus, Simon. Il trippe dessus, man. Fait que là, t'es comme, ah non, elle va rester, elle va devenir genre centrale. Et effectivement, mm-hmm. elle est jamais genre au centre de l'action, mais mm-hmm. elle est là à partir du moment qu'elle apparaît là, jusqu'à la fin, même, jusqu'au dernier épisode. Oui. Parce que je pense que le lien avec le Spiral King, ben, c'est ça qui la garde, qui la tient importante. C'est ça. Oui. Fait que là, rapidement, il y a la confrontation, justement, comme tu dis, un jeu vidéo qui arrête pas de monter des levels. Oui. Puis, ouais. Puis à travers tout ça, il y a le Gurnagan qui, avant, était piloté par Simon Camina, puis ensuite c'est reçu. Je pense qu'il prend la place dans le cœur du robot, sauf qu'ils ont une grosse troupe avec plein d'autres super giant robots qui les aident. Ouais. Ils appellent-tu des gunmen ou des gunmen? Gunmen, oui, je pense. Des gunmen? C'est ça. C'est comme le robot. Ils appellent les robots dans cet univers-là. Oui, oui. Puis le Gurnagan, son arme, c'est comme une grosse drill, fait que c'est sa main qui va se métamorphoser comme ça, puis faire plein de variantes. Ouais. Puis il y a des drills qui sortent de partout. Ouais, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que dans Dead Leaves, par le même réalisateur, ouais. il y a un personnage qui a une drill à la place de la dick. Ah ouais? Ouais. Ils sont en prison, puis lui, il y a une drill qui sort. Parce que ça fit pas dans son costume. Ok. Puis il fourre quelqu'un dans les fesses avec sa drill. Je me rappelle pas de ça. Ouais, ouais, ouais. Oh. Fait que tu vois que le réalisateur, il trip ses drills. Ouais. Et à un moment donné, il a accroché là-dessus, là, puis il a fait quand même un succès des drills. Ouais. Ben, je pense que j'ai lu que le réalisateur, il citait comme influence Ghetto Robot. Ouais. Une vieille série des années 70. Ouais. Puis juste dans la séquence d'intro, on voit un robot qui a une drill pour une main. Mm. Puis aussi, surtout, le fait que t'as trois robots qui se combinent pour faire un gros robot. Fait que ces deux éléments-là, on les retrouve dans Gurnagan, très clairement. Pour les nerds là, out there, Getter Robo, c'est aussi créé par Go Nagai. Ouais. Et ça se passe dans le même univers que les Mazinger et tout, et ça serait comme l'ancêtre de toutes ces générations de robots-là. Okay. Et comme tu dis, c'est trois robots qui se fusionnent. Mais c'est pas le premier, il a pas fait ça avant Mazinger. Non, il a pas fait ça avant, mais c'est comme si ça se passait avant dans le temps, je pense. Ah, ok. C'est comme si c'était ça l'origine. Mm-hmm. Mais ils ont rebooté la série dernièrement, puis il paraît que c'est super bon. Ok, cool. Ça fait très Gurren Lagann. Tu vois que l'inspiration, tu sais, c'est ça, c'est que. Aussi, on a peut-être oublié de le mentionner, pour quelqu'un qui connaît rien là-dedans, t'embarques. Pour quelqu'un qui en consomme beaucoup d'animations japonaises de mecha, de robots géants, mm-hmm. tu vois que c'est juste un hommage un après l'autre à tous ces univers-là. C'est qu'à la limite une parodie du genre. Oui. Tellement que ça va reprendre les codes, puis les twister, puis un peu rire de tout ça, mais en même temps en gardant un côté super intense. Genre. Oui. Comme ça, les Japonais sont capables de bien faire. Ouais. C'est pour ça qu'ils peuvent s'en permettre, puis que ça fonctionne. C'est ça. Pis, on n'a pas parlé à fond des personnages, mais Yoko, justement, qui est pratiquement dénudé. Ouais. Ça, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Là. Contrairement à, mettons, Ghost in the Shell Standalone Complex, la série télé que j'ai pas réussi à finir. Ouais. Ou est en lingerie, puis ça n'a aucun c'est sens. C'est ça, puis mettons, elle sort de son Futukuma. Puis t'as la caméra droit sur le cul. Ouais. Puis non, ça fait pas. Ça n'a pas sa place parce que le ton il est sérieux. Puis c'est ça. Tout d'un coup, ça. C'est pas ça qu'on veut. Sauf que dans Gurren Lagann, le fait qu'elle pitch son gun partout. Puis qu'elle s'en rebondisse. Ouais. Ouais. C'est correct. Ouais, t'as raison, parce que c'est traité comme vraiment un cartoon over the top. En même temps, c'est vrai que les personnages féminins, c'est pas les personnages les plus forts. J'aurais aimé ça que Yoko soit un petit peu plus qu'un sidekick. Ouais. Elle a pas de robot jusqu'à la fin. C'est une sniper. Ouais. Fait qu'elle se bat uniquement avec son gun. Puis elle a pas beaucoup de personnalité, pour vrai. Là. C'est pas elle qui va. C'est plus la chicks de service. Ouais. Fait que les deux personnages principaux féminins, on a la chicks de service et la poupée nunu. Fait que c'est pas super hot, là. Honnêtement, ça, je trouvais que ça manquait. Puis surtout que, comme tu dis, le problème de Yoko, c'est pas son design. Mm-hmm. Moi, je l'adore, son design. Il est sexy, mais en même temps, ridicule. Puis ça fit, ça marche, ça fit avec l'univers. Oh, ouais. Kamina et tout, il est en bedaine tout le temps, puis il a des tatous. Puis c'est comme ça fit avec la culture de cet univers-là. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'il y a une scène un peu plus légère ou rigolo que... Ils vont à la plage, puis là, tout le monde, toute le crew attend qu'il y a qu'on sorte, puis finalement, là, One Piece, quelque chose de plus, fait que là, il est super consciencieux de ce qu'elle porte, mais tu sais, toutes les autres journées, elle a quasiment juste un string. Là, c'est ça, exact. Ça, c'est drôle. Puis aussi, justement, Kamina, un moment donné, qui est à poil, et que le petit hamster cache son pénis, sauf qu'il tient pas, et le petit hamster a pas l'air à s'agripper non plus, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kamina aurait son pénis dans le petit hamster? Je crois que oui! Puis il y a de l'air confortable. Exactement. Ouais, les deux ont de l'air bien contents de ça, fait que peut-être que ça prône la bestialité, peut-être. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que tu sais, c'est une série tellement over the top que tu peux pas vraiment attaquer, faire comme ah, oh, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, parce que c'est pas quelque chose qui est réel, puis ça se prend pas au sérieux, tu sais. Puis c'est pas concentré là-dessus. C'est ça, tu sais, c'est comme si tu dis que Kill Bill c'est trop violent, c'est, t'as pas compris le but derrière, là, tu sais. Fait que là, ok, avant... fait que là, on... oui, vas-y. Ouais, ben c'est ça, avant. Moi, je trouve qu'il y a comme deux twists avec la mort de Kamina. Ouais. Puis la fin du règne du Spiral King. Ben, c'est ça, mais avant, avant, parce que c'est ma séquence d'animation préférée de toute la série, et c'est la confrontation entre Simon et de Spiral King. Oui, c'est ça. Je trouve que le build-up de ça, comment ça se rend jusque-là, c'est tellement intense, puis quand c'est fini, là. J'avais des frissons, man. Simon est complètement balafré, là. Il a la gueule toute pétée ensemble. Mm-hmm. Ils ont gagné. C'est la veille d'un nouveau monde. Mm-hmm. Normalement, c'est la fin de la série. Ouais, ça aurait pu finir comme ça. Ouais. Tu sais, mettre plus d'épisodes de, pas nécessairement remplissage, mais un peu comme le monstre de la semaine. Ça aurait pu être ça, le concept de toute la série. Ouais. Sauf que là, tu te rends compte qu'on est à l'épisode 12. Ouais. Puis il y en a 27, 26. 26. Fait que là, tu fais « what the fuck? » Il en manque pas mal, là. Mm-hmm. Où est-ce qu'on s'en va? Mm-hmm. Puis là, parce que, oublie pas, même que je l'écoutais à chaque semaine, fait que là, j'étais comme... Attends, je veux juste parler du fight avec le Spiral King. Oui, vas-y. T'as dit, c'est ma séquence préférée. Mais là, qu'est-ce qui se passe après? C'est le fun, là. Mais c'est ça, je voulais dire. Mais vas-y. Mais c'est ça, c'est le fun, parce qu'il commence les deux en Super Giant Robot. Ouais. Après ça... le Spiral King, il devient, je pense, il sort du robot, puis il est comme plus confortable, plus fort comme ça. Ouais. Ensuite, Simon prend juste le Guren, donc juste la petite tête. Ouais. Puis il se bat avec les bras géants contre le Spiral King. Ouais. Fait que c'est comme trois étapes, trois phases. Puis c'est exact. Le fun parce que le Spiral King, ils ont fait ça un peu dans les bouts de fête, l'animation avec la drill. Et c'est un peu des grosses lignes qui dépassent. Encore là, je l'ai déjà cité, c'est un peu comme l'homme qui plantait des arbres. C'est un peu... C'est très sketchy. C'est ça. Ça vibre, la ligne, elle vibre. Oui, genre, oui. Fait que ça marche beaucoup. Ça marche bien. C'est un effet qu'ils reprennent souvent, puis à chaque fois qu'ils l'utilisent, ça marche au bout. Là, ça dynamise. Ah oui, puis ça rend ça comme... C'est ça. Dynamique, mais genre énervé. Il y a quelque chose de très agressif là-dedans. Genre, non pas agressant, mais agressif. Oui. C'est pas propre pis c'est vivant. Ouais. Ah, oh, merde, je viens de me rappeler d'une affaire. Ça m'avait fait chier. Ah, c'est que ça m'avait fait chier. Parce que là, t'as cet épisode-là, tu sais, la grosse confrontation. Les héros gagnent, c'est la veille du nouveau monde, grosse affaire. Ouais. Là, faut que t'attendes la semaine prochaine. Puis t'es comme, my God, comment ils vont suivre ça? Où c'est qu'on s'en va? Non, non, non. La semaine prochaine, un résumé des 12 derniers épisodes. Puis là, t'es comme, non, non, non, tu me niaises pas. C'est ça que j'ai cette semaine, man. Un recap. Recap. En même temps, je pense que c'est important qu'ils le fassent. Ouais. Parce que c'est un point tournant. Puis ils l'ont fait d'une manière cool, c'est qu'ils ont montré les animateurs. Oui. Qui écrivent le texte pour... C'est ça, qui font les sketchs, puis les en même temps que tu vois l'histoire se dérouler. Fait qu'ils ont quand même trouvé une twist intéressante pour... C'est pas juste un recap, genre cave. Puis en même temps, c'est vrai que tu te rappelles de certaines séquences, t'es comme, ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est une technique semi-courante dans les... les séries d'animation, à la fois pour de l'économie, à la fois pour aider les gens qui viennent de commencer dans la série. Mais c'est ça, je pense dans Carré Cano, il y en avait deux. Après les 26, fait que c'était un peu trop intense. Ça. Et là, le générique d'intro start. Puis là, tu reconnais le personnage, mais tu fais « What? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? » Et c'est quoi? Quelque chose comme 12 ans plus tard? 7 ans. 7 ans plus tard? Ouais. Ils ont pris un break pendant 7 ans pour refaire... La civilisation, parce qu'avec la fin du règne du Spiral King, tous les gens qui étaient confinés à vivre sous la terre ont émergé et sont maintenant partie de la civilisation. Puis ça allait évoluer vite en tabarnak. Puis en même temps, ça a du sens, parce qu'imagine qu'il y a plein de robots géants. Ben, ça ne te prend pas la même durée de temps qu'on sur un building. Comme tu l'as déjà écrit, on a tous besoin de robots géants. C'est vrai, man. Ouais. Les temps sont durs, des fois, on a juste besoin d'un robot géant pour que ça aille bien. Puis, te rappelles-tu comment que la ville s'appelle? Non. C'est Kamina City. Ah oui, ok. Puis, il y a une grosse. Ils ont érigé une statue. Une grosse statue au centre de la ville qui est Kamina qui pointe le ciel. Puis, tu sais, tu découvres que ça devient un peu leur. Grandi, mais tu sais, c'est une figure genre emblématique de l'homme et la rébellion et de, tu sais, bon. Ça fait penser à Abraham Lincoln, tu sais, dans la statue qui est assis là. Okay. Qui devient un singe dans la planète des singes de Tim Burton, d'ailleurs. Tu savais-tu ça? T'as-tu déjà vu la planète des singes de Tim Burton? Non, là, tu t'en vas ailleurs, mais j'ai jamais vu. Dude, c'est dégueulasse. Ok? À la fin du film, ils reviennent dans le temps présent. Puis là, ils checkent la statue d'Abraham Lincoln, puis il est pareil, mais c'est une tête de singe. Puis là, il y a des chars de police qui arrivent, plus plein de policiers qui sortent, mais ils sont comme nous autres, mais ils ont juste des faces de singe. OK. Puis là, il fait comme... No! OK, fait que c'est encore l'humain qui revient. C'est ça, mais tu sais, il a essayé de refaire le punch de... Ah, finalement, on est sur la Terre. Oui. Sauf que là, il l'a comme doublé. Il a fait, ah, finalement, il pense qu'il revient. Mais non, il revient dans le temps que les singes ont dominé tout. Puis c'est tellement lettre, man. Quand on dit ce que c'est lettre. Fait que ça arrive pas. Okay. Dans Guren Lagann. Personne n'a de tête de singe. Puis là, c'est ça. Là, on est rendu comme 7 ans dans le futur. La vie a évolué. Simon est comme à la tête du gouvernement. Puis Rossiou. C'est comme son bras droit, je pense. Ouais. Puis, rappelle-moi, est-ce que Yoko est déjà parti à ce moment-là? Ouais, Yoko est plus là. C'est le seul dans la gang qui est pas là, puis tu te demandes pourquoi. Ouais. Puis là, tu vois que c'est, dans le fond, toutes des... Là, il y a moins de combats, pendant ouais, mais quelques épisodes. Mais en même temps, c'est ça qui est drôle, c'est que tu vois qu'il y a une espèce de dépression un peu de fonctionnaire. Parce que c'est tout du monde qui vivait pour l'aventure, puis la rébellion, puis qui avait un but. Ça, c'est drôle qu'en 7 ans, ils ont réussi à établir et développer ce mode de vie-là pendant que toute ta vie, tu l'as passé à creuser des trous dans une caverne. Exact. Puis, tu sais, en même temps, ce qui est fucké, puis moi, ça me fait full penser. Puis ça aussi, genre, j'ai pensé comme si j'avais des kids, si je leur ferais écouter ça. Parce que c'est un peu... Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Tu sais, il y a une différence entre courir vers ton objectif. Puis l'avoir. Puis des fois, quand tu l'as, finalement, tu sais plus quoi faire, tu sais plus où aller, tu sais plus... Tu sais, un des clichés, c'est souvent, genre, les militaires qui vont à la guerre, puis qui vivent, ils s'entraînent toute leur vie pour ce moment-là. Puis ils arrivent là, ils vivent de quoi de super intense, c'est dark, c'est tragique en même temps, tu sais, ils sont sous l'adrénaline constante. Oui. Ils reviennent ici, puis là, il faut qu'ils fassent l'épicerie, tu sais. Mm-hmm. Puis ça perd tout son sens, tu sais. Puis pourtant, c'est pour ça qu'ils allaient là, tu sais. Pour protéger ce qu'ils ont ici, tu sais. Puis il y a un peu ce parallèle-là, je trouve, dans Gurren Lagann. Fait que là, tout d'un coup, tu sais, encore une fois, on reste dans un univers cartoon, on se prend pas trop au sérieux, mais ça l'aborde un thème que Chris est deep, ça, là. Mm-hmm. Puis tu vois que personne n'est vraiment heureux. Tout le monde, tu sais, comme des fonctionnaires, tout le monde, genre, se lance la balle à l'autre, puis pitch la responsabilité à l'autre, puis... Il y a juste Rossio, qui était, à 7 ans plus tôt, un personnage plutôt secondaire, quand même. Oui. Le focus n'a jamais vraiment été sur lui. Puis là, on voit que lui, c'est lui qui prend ça, puis on peut même découvrir un peu que c'est son idée d'avoir instauré le gouvernement, puis d'avoir, tu sais... C'est le seul qui prend ça au sérieux, tu sais. Il veut l'ordre. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est important, puis il pense comme un politicien, tu sais. Il pense plus comme un warrior, tu sais. Ouais. Toutes les autres... Ben, il n'a jamais vraiment été, non plus, c'est ça. Il a piloté, mais il était d'arrière-plan. Exact. Il était là parce qu'il fallait que quelqu'un prenne la place. Ouais. Mais d'après toi, si Kamina était toujours en vie, puis là, 7 ans plus tard, dans ce monde ordinaire ou plus près du nôtre, comment tu penses qu'il aurait agi? Moi, je pense qu'il aurait écrit son gars. Ouais. Je pense qu'il serait parti à l'aventure vers d'autres contrées. Mm-hmm. Parce que lui, c'est ça, dans le fond, c'est que. Lui, honnêtement, il faisait pas ça pour... Il faisait ça pour lui. Toute la rébellion, puis tout le toucher le ciel, c'était purement égoïste. C'était pour lui qu'il faisait ça. Il voulait pas... Il s'en crissait. C'était sa façon de s'affirmer, puis d'être en vie. D'exister, c'est ouais. Ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça me fait penser et tout... tu connais Antonio Dominguez-Leyva? Oui, de Pop en Stock. De Pop en Stock, qui d'ailleurs participe à un fabuleux podcast que je vous conseille tous d'écouter, qui est Pop en Stock, sur les ondes de choc.lol. Et, qu'on a déjà vu à Mel Banana. Oui, c'est vrai, ouais, on l'a écouté à un show de Mel Banana. Mais lui, c'est fou, cet été-là, là, je le voyais à chaque semaine dans des endroits par rapport. Tout le temps. J'allais d'un open house... d'un party, il était là. J'allais d'un souper, genre avec Francis, il était là, tu sais. On allait au resto, il était là. Ça... Ouais. Mais c'est un mec que je respecte beaucoup, puis qui a une... Très grande culture. Une culture assez fascinante, puis qui a tout le temps un angle super intéressant sur la culture populaire, tu sais. Puis là, je veux pas que ça sonne misogyne, c'est vraiment pas ça le point. Mais il disait, le pire ennemi de l'aventurier, c'est la routine. C'est la femme. Puis quand il dit la femme, c'est pas dans le sens du sexe féminin, c'est dans le sens de ce qui te ramène à la maison et qui crée ton quotidien. Imagine donc, inversement, que... ça pourrait être l'homme d'un point de vue de la femme. Exactement. Okay. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien de misogyne là-dedans. Là. Okay. Si, regarde, on va prendre l'exemple. Donc, ta douce moitié. Là, c'est ça. Ouais. Ce qui crée du quotidien. Tu sais. C'est le quotidien, en fait. C'est juste que là quand il disait la femme, c'était le symbole de ça, la femme au foyer. Tu sais. C'est ça qui tue l'aventurier. Mais mettons qu'on prend Lara Croft en exemple. Tu sais. C'est un personnage qui est tout le temps genre en train de vivre des affaires malades, puis il y a des dinosaures, des montagnes qui explosent, puis là, des guns. J'ai recommencé. Moi je suis bien rétro. Je ne suis pas en tout, mais Tomb Raider 2, le premier tableau, tu tues des dinosaures avec tes guns. C'est ça, c'est malade. Puis des petits guns à main. Là. Ben, le pire, c'est que techniquement, puis Chris, c'est Julien qui m'a fait remarquer ça, même. Julien Paris-Solel, qu'on salut. Que dans Jurassic Park, il n'y a jamais d'attaque à l'arme à feu envers les dinosaures. Jamais qu'il attaque. Il n'y a pas un dinosaure qui mange une balle. Puis là, t'es comme. Contrairement au nouveau Godzilla, où on essaierait-tu, on peut pas rien faire, on tire dessus. Mais Godzilla, c'est comprenable. Tu pitches des missiles, tu vois que ça pète, ça. Tu caches. Ouais, mais ton mitraillette. T-Rex, quand il se penche vers le char puis qu'on voit son œil, un coup de 12, je m'excuse, mais ça le tue, man. Ça le tue bien. Ça défait son œil, au pire. Ben oui, puis ça le fait saigner jusqu'à temps qu'il meure. Je dis pas que ça lui fait exploser la tête, mais. Fait que pourquoi que Christ, pourquoi je suis en train de parler de tirer des coups de 12 à un T-Rex? J'ai perdu le fil. La femme, la routine, Antonio. Calvaire, Tomb Raider. On parlait de Tomb Raider, ouais. Tu sais, des dinosaures au début du 2. 8 niveaux de connexion. Ouais. Qu'est-ce qu'on est. Oh, on est parti loin, Asti. Ça, c'était une discussion de gelée, man. Mais on n'a même pas fumé ça, genre... mais c'était vraiment une discussion de gelée, man. Ça part, man. On est rendu au Japon, il y avait des GPS avant nous autres. Quoi? Fait Camina, ouais, fou du son, hein. Camina, c'est un aventurier. Ben. Voilà. Puis les autres aussi, c'est juste qu'ils se font embarquer là-dedans. Parce que là, dans le fond, ils se sont battus pour avoir la paix, l'équité, puis là, ils l'ont, puis là, ils savent plus quoi faire. Puis là, ils ont tellement plus rien à faire qu'ils chialent après le gouvernement pour avoir... De quoi faire. Ouais, c'est ça. Puis le gouvernement est comme, non, faut respecter le peuple, faut les encadrer, faut leur donner un Sauf que là... Là, on a oublié quelque chose. Ouais, moi aussi, je vais dire. On le dit, puis on se dit, oh fuck, on a oublié de dire ça. Ouais. C'est que le Spiral King, avant de mourir. Ouais, il dit une phrase. Tu l'as noté? Ouais, je vais essayer. Lorsque la Terre débordera avec 1 million de singes, la Lune deviendra le messager de l'enfer et détruira le monde de la spirale. Il y a quelque chose de génial dans Gurren Lagann, et c'est les designs. Les designs, autant de mecha que de personnages, que de même les personnages secondaires, ils ont tous quelque chose de particulier, ils ont tous quelque chose d'unique. Tu les vois une seconde, puis tu sais déjà un peu c'est qui, puis t'as envie d'en savoir plus. Hein, t'sais. Oui. T'as-tu remarqué, il y a un épisode fucké, parenthèse, par rapport, là, je reviens derrière dans la chronologie, il y a un épisode complètement fucké que j'oublie tout le temps qu'il existe, c'est qu'à un moment donné, ils sont à la plage. Oui, ben, c'est ce que j'ai dit avec le truc de Yoko. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça où je me fuck l'épisode d'abord. Alors que c'est un épisode genre qui a comme pas rapport. Ouais, puis il y a un ennemi marin, je pense. Non, c'est qu'il y a des animaux. Des animaux, mais les animaux de cet univers-là sont complètement fuckés. Fait que c'est comme une grappe de raisin avec une tête d'hippopotame. Ouais. Tu sais, il y a des affaires de même, parce que les animaux, c'est devenu les habitants de la Terre. C'est des hommes animaux. Ouais. Fait que leurs animaux, eux autres, c'est des genres de fruits mutants. Là. C'est juste ça, je trouvais ça tellement à cave. Puis, ils en parlent pas dans la série. Mais zéro focus là-dessus, mais de savoir que c'est ça leur univers, que eux, les animaux domestiques, c'est des fruits pis des bananes qui se promènent. Là. Je trouve ça tellement calme, mais je trouve ça brillant en même temps. Tu sais, c'est vraiment le concept. Genre, on dirait que c'est un petit gars de 7 ans qui a pensé à ça, pis tu fais comme Chris qui est bonne. Pis là, t'as-tu remarqué, man, tout. Quand on disait tantôt que c'est comme une parodie ou un hommage à plein d'affaires, à la fin, ça devient carrément Albator. Là. T'as le capitaine en trench coat dans son vaisseau dans l'espace, les bras croisés, il manque juste une patch sur l'œil, puis à la place, il y a comme des lunettes fuckées. Puis tu sais, les travelling de caméra, le vaisseau, la shape du vaisseau, c'est vraiment genre. Ouais. Full Albator. Ok. C'est comme des pirates de l'espace. Ouais, je connais moins, mais c'est ça, ça VS Space Opera à fin. C'est ça. Puis là, un moment donné, même, ils ont toutes des espèces de suits de super-héros, comme les Super Sentai, là. Senpai. Sentai. Quasiment Power Rangers, à la limite, là, t'sais, très éclaté, pis tout. Pis c'est tout, ça sort de nulle part, c'est jamais expliqué, mais ça fit. T'sais, go with it, là. Let's go. Toi, Do, une des affaires que tu m'as dit, c'est que t'écoutais la série, pis tu trouvais qu'à la fin, c'était un peu too much. Même sachant que c'était over the top. Là, exact. Ouais. Parce qu'il faut le dire, un des derniers fights, un moment donné, les personnages se pitchent des galaxies. Man. Ouais. Ils se pitchent des galaxies comme des frisbees. T'sais. Les robots sont rendus tellement gros qu'ils peuvent se pitcher des galaxies. On parle de la création de l'univers. Bon, ouais. On parle de la création de ce qui est versus ce qui n'est pas. Tu sais, ça vire loin. Là, puis le pogne avec la main, puis on se le fout sur la gueule. C'est ça. Moi, ça, j'ai trouvé ça brillant. Puis genre, je me rappelle, à l'époque, j'étais avec Véro, j'ai raconté ça, j'avais les yeux pleins d'eau. Là. Tellement que je vivais, j'étais comme, Christ, que c'est hot, si que c'est hot, il se pitche des galaxies, tabarnak. Parce que tu te dis, genre, jusqu'où ça peut aller, mais non, ça va arrêter là. Ouais. Pis non, man, il y en a pas de bruit. Parce que c'est ça, gardant l'idée de croire en toi, pis t'es capable de te surpasser, il y a souvent, pis souvent vers la fin, je pense, j'ai trouvé que, ok, ils ont plus d'énergie, pis le robot marche plus, pis ça marche plus, pis t'as un peu, elle croit en moi, moi je crois en moi, pis là, ok, on est capable, pis. Ouais. Beaucoup de revirements comme ça. Là. Ouais. Mais faut dire aussi que la science dans cet univers-là est très particulière. Bizarrement, ouais, je parle même pas en termes de tangible de science, mais juste au niveau cohérence scénaristique. Ça fonctionne, mais c'est comme dans le gros cratère de l'oubli ou de l'impossibilité, puis là, juste, OK, je suis capable, puis là, tu y vas. Ben, c'est que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de cool parce qu'ils ont essayé d'intégrer ça justement dans la science, c'est que les robots marchent avec de la volonté. Ça carbure à la volonté et c'est ça, la spirale, le spiral power, c'est ça. Fait qu'en même temps, c'est comme si toute la technologie de cet univers-là tournait autour de ta volonté propre. Ta confiance. Exact. Fait que tu sais, c'est pas comme dans Naruto où c'est qu'à un moment donné, il se fait casser tous les os, puis il est à terre, puis il fait comme « Mais je crois en moi! » Puis il s'en va, tu sais. Ça arrive ça dans Naruto qui se fait péter les jambes? Là, j'ai dit ça de même, là. Je sûr, mec, ça arrive. Okay. Oh, il y a un personnage qui se fait péter tous les bras. C'est pas Naruto, c'est Rock Lee, mais bon. Puis tu sais, il se bat pareil parce que il croit. Là, non. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme ça, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Là-dedans, ça a comme un peu de sens parce que c'est comme. C'est pas crédible. Ok, c'est pas réaliste, mais c'est crédible dans sa propre, son propre univers. Oui. Ça marche, tu sais. Oui, oui, oui. Là, après ça, tu m'as dit une autre affaire. T'as dit, là, un moment donné, ben, tu parlais pas comme moi. Mais tu parles comme toi qui penses que moi je parle, que toi tu penses que je parle. Que c'est ça. T'as pas besoin de parler comme moi, man. T'as juste parlé comme moi qui parle comme toi qui parle comme moi. Mais t'as dit, là, il y a une toune d'opéra qui joue, puis là, il y a un rap qui embarque par-dessus, puis Christ que c'est lait. Moi, je trouvais ça awesome, man. Quand ça a starté, j'étais comme... Oh! Oh! Je te jure, man, j'avais des frissons, j'avais les yeux pleins d'eau. Okay. Genre, peut-être que j'étais trop dedans. J'étais vraiment trop dedans. T'étais à la troisième journée de montage, à 2 heures de sommeil. Puis... il y a ça aussi, il y a ça. Faut le dire. Mais la première fois qu'on entend le morceau, ça déstabilise quand même. Oui. Puis moi, ce qui m'a... La chose qui m'a fait questionner, c'est l'anglais un peu magané en japonais, là. Ouais. Parce qu'ils disent « Row, row, fight the power ».« Fight the power ». C'est ça, puis à la fin, ça fait « Row, row, ride the power ». Ouais, ouais, ouais. C'est même plus « fight », c'est « white », là. Non. Puis même à ça, « fight the power », ça a tellement aucun sens. C'est comme « let's fighting love », là, dans South Park, là. OK. OK. toi, ça t'a ému. Moi, ça m'a rentré dans le cœur, man, là. Ça me parlait directement. Okay. Puis même à la cinquième fois qu'il faisait la cinquième forme de combat, c'était toujours aussi épique. Et pour te le dire, là, j'ai cette toune-là dans mon téléphone. Je l'écoute en marchant des fois. Genre. C'est à ce point-là. Là, tu mets ton paquet de clopes au dépanneur et yeah! Fait ça, pas, madame! Oui! Yes, plus je pitch par la tête. Puis là, ouais. Fait que je m'achète une grosse bière à soir. Fuck it! Y a une affaire qui est arrivée qui était fabuleuse. C'est que là, la série, c'est un... Là, évidemment, il y a un manque dans ma vie. Là, moi, ça fait, Chris, ça fait 24 semaines, man. 24 semaines, Doom. As-tu réussi? 26 semaines. Okay. C'est combien de mois, ça, 26 semaines? C'est 6 mois. C'est 6 mois, man, de ma vie qu'à chaque semaine, j'avais du grand magane. Puis là, j'en ai plus. Qu'est-ce que je fais, man? Je bats le trip. Mais après ça, tu essayes de combler le vide, puis essayer d'écouter une autre... partir une autre série. J'ai pas eu besoin, man. Non? Parce qu'après ça, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les Gurren Lagann parallèles. Ça, c'est qu'ils donnaient un budget très limité, très limité, à chacun des animateurs pour qu'ils fassent un dérivé de Gurren Lagann dans un monde parallèle. OK. Comme des spin-offs? Ouais. Puis c'est un épisode de 22 minutes chaque. Ah oui? Ou même, c'est moins que ça. Je pense que c'est 10-15. C'est ça, des shorts. C'est des shorts. OK. Mais allez checker ça sur YouTube. Okay. Tapez genre Gurren Lagann parallèle. Il y en a combien? Il y en a 11, je pense. Ah, oh, quand même. Ouais. Fait que ça, c'est cool parce que tu sais, c'est exactement le même feeling que quand tu finis Cowboy Bebop. Mm-hmm. Ça te laisse un ton de genre, calisse que je serais resté dans cet univers-là. Mm-hmm. Puis là, le film sort. Puis là, tu reviens dans l'univers et t'es comme, oh shit, qu'est-ce que c'est cool, Spike est là. Mais en même temps, j'aime mieux que ça finisse bien que, mettons, ça continue puis ça s'essouffle un peu après. C'est ça, mais ce qui est cool, c'est plus comme un espèce de clin d'œil qui te retourne dans l'univers sans vraiment continuer l'histoire. Mm-hmm. L'histoire est finie, elle est terminée. Ouais. Aussi, ils ont fait un film, Gurren Lagann, qui est en fait, dans le fond, les derniers épisodes condensés en un film. Sauf qu'il y a des scènes de plus. OK. Et une des scènes les plus incroyables, encore une fois animée par Yo Yoshinari, dans le style que tu as mentionné tantôt, super sketchy, oui. qui est Simon contre le Anti-Spiral King à main nue. Un combat quasiment comme de MMA ou de boxe, animé d'une manière malade, c'est en noir et blanc. Puis ça me fait chier que ça soit pas dans la série. Pour vrai, là, cette séquence-là, c'est ultra violent, il y a full de sang, c'est noir et blanc et rouge. Ça contraste au bout avec le reste de la série. Puis c'est malade. C'est malade. Cool. Fait que, allez checker ça et tout, puis. Ben, toi, tu le recommandes-tu, Ben? Ouais, juste un petit truc que j'avais oublié, j'avais noté. À part le Roro Fight the Power, que. D'ordre général, la musique dans la série, tu l'as trouvé comment? Moi, j'ai trippé là-dessus, je me suis downloadé la soundtrack. Ouais. Ouais, c'est bien. Fait que. Il y a du jazz. Ah ouais? Ouais. Un peu. Ouais. Ok. Mais c'est ça, à part la toune de générique d'intro puis de fin, le compositeur, c'est en fait Taku Iwasaki, que tu connais sans savoir. C'est lui qui avait fait notamment la trame sonore des Ouavé de Kenshin. Ok. C'est, ouais. C'est quand même bien. C'est malade. Ouais. Fait que moi aussi, je reconnaissais de là. Même si c'est très différent. Là. Ouais. Que, quand même. Ouais. Non, la trame sonore est cool. Tu sais, toute la direction artistique, pour vrai, là, c'est malade. Là. C'est vraiment, vraiment hot. Après ça, tu sais, pour vrai, moi, je le conseille, mais faut vraiment que tu saches. Dans faut t'embarquer. C'est ça. Faut t'embarquer. Quelqu'un que j'ai jamais écouté d'animé japonais, tu start pas par là. Start pas par ça. Ça va te créer une crise d'épilepsie. Tu vas faire « What the fuck? C'est ça les mangas? C'est ça les gens? » ça prend quelqu'un de moindrement initié puis qui a un désir d'écouter du Goldorak moderne. Ouais. Du gros fun. Mais tu sais, rendu jusqu'on... Puis Chris, on n'a pas fait tant de parallèles à Eva, puis c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup à faire, je trouve. Comment que c'est le même studio. Evangelion, c'est le plus gros succès de Gainax. Après ça, ils ont essayé de faire un paquet d'affaires, ça a tout le temps chié, c'était tout le temps médiocre, un peu. Ben, puis FLCL. Lagan... Hein? FLCL, ça n'a pas été un succès commercial au niveau de la critique. Pas au même niveau que Evangelion, tu sais. C'est devenu culte, puis c'était super cool, puis justement, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur Gurren Lagann, qui ont travaillé sur FLCL. Ouais. Mais ça n'a rien à voir, tu sais. C'est comme un spin-off, là. C'est comme un indie movie fait par c'était plus cool un blockbuster. Aussi, là. C'est ça. C'est ça, c'est 6 épisodes. Ouais. Juste ça, ça change de quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils ont essayé de toucher tous les anti-points de Eva. C'est vraiment... je trouve que les deux, ça fait le yin et le yang. Mm-hmm. Ça parle sensiblement pas de la même affaire du tout. Mais ça peut parler de thèmes similaires, mais tellement traités. C'est l'antithèse. C'est, ouais. c'est vraiment l'antithèse. À la base, t'as un kid dans un robot qui se bat contre des méchants. Ouais, qui est en espèce de crise d'identité, qui est obligé de faire face à ses responsabilités, à vieillir. Avoir confiance en soi. Exact. Il y a beaucoup de... T'es constamment challengé par les personnes dans son entourage. Il est confronté à la mort. Tu sais... Si Evangelion... Si... OK. Si Gurren Lagann, c'est un film de Tarantino... OK. Evangelion serait un film de Lars von Trier. Genre, tu sais, c'est à ce point-là. Dans le sens que tu vois que les deux, ils ont vraiment un point de vue unique. Les deux feraient le même film, puis ça serait tellement différent. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que j'ai réécouté Eva pendant que je faisais Oaken. Oui. Pis ça arrêtait pas de me marquer genre les parallèles entre les deux, mais quand même que justement si un touchait telle note, l'autre essayait d'aller à l'opposé, là, juste dans comment ça se prend au sérieux. Puis il y a beaucoup moins de silence dans Gurren Lagann, je pense. Ouais. Ouais, c'est clair. Et moins de mindfuck aussi. Ouais. Mais tu vois qu'ils ont appris de ça. T'sais, ça aurait pas pu se faire sans Eva. Mais évidemment, c'est pas le même réalisateur. Il y a des animateurs qui ont travaillé ces deux, mais c'est le même studio, mais c'est tellement pas la même approche. Là, mais il va falloir faire Eva, man. Mieux que ça. Mais, honnêtement, genre, je sais que t'as pas beaucoup de temps sur ta site, mais Eva, là, c'est 3 jours. Là. Ouais. Ça se tape en 3 fins de semaine. Là. Ouais. Ça, c'est facile. Là. T'es capable. T'es capable. Ouais, ouais. Donc, ben, ouais, là-dessus. Merci. Merci, Gaël. J'ai l'impression que j'ai parlé tout seul pendant. Ouais, un petit peu, mais je m'attendais à ça, mais peut-être pas. D'accord. Le pire, c'est qu'on n'a pas dit encore beaucoup. Là. On va parler, c'est ça. Ben ouais, man, on s'excuse pas. On s'excuse pas. Hey, ben non. Bonne année, on s'excuse pas. Ah, man, on a même pas dit que c'était Noël. Ouais, ben c'est... C'est Noël. C'est le 16 décembre. Ben oui, c'est ça, c'est Noël. Ben, on l'a dit tantôt, mais on a été au spécial. Oui, le 20 décembre à 20h, mystérieuseétonnant.com, puis je pense qu'après Noël, ça va être archivé sur YouTube. Fait que, ouais. Regardez ça, on va faire aussi une annonce pour notre séance en dédicace le lendemain, en 21. Tu vas peut-être avoir tes lunettes de soleil à l'intérieur. Mmh. Ah, je vais être hangover. Incroyable. Fait que... Mais ouais, si vous écoutez la cave, venez donc nous voir, là, ce serait cool. Fait que sur ce, joyeuse fête. Ouais, puis l'épisode prochain, hein, on essaie tout ça de trouver un sujet que toi, tu connais tout, puis moi, je connais rien. OK, parce comme toi... ça, c'est toi qui me parles de l'affaire, puis moi, je peux juste comme dire, ouais, OK, ben oui, c'est vrai. Tantôt, tu l'as pas annoncé, mais ta toune, c'était... Ben finalement, je mets Genie in a Bottle de MF Doom. Ouais, voilà. C'est ce qu'on a entendu à moitié de l'épisode, puis... On va se quitter avec la pièce Paradise Lost de Karoshi. Alors, on se revoit en 2015. Bye-bye. Bye. We'll be right back. Avez-vous écouté, man? À un moment donné, j'ai caché un bloopers à la fin d'un épisode. Je me rappelle plus c'est quel épisode. Je pense que c'est 9. Ouais. 8. Ben, moi, j'ai trouvé ça drôle. C'est ça. C'est tout. J'ai rarement vu des filles s'habiller de même encore aujourd'hui. Ok, des filles patchées dans la rue? Ouais. Ouais, là, je voulais même pas faire une blague. Là. Ben oui, ben oui, man. C'est...